Niko na lamukia kila nduku na kila dada mungine Yesu Kristo. Je salue chaque frère et sœur au nom de Jésus-Christ. Niko tena na lamukia banduku na badada benye kutufuata ku internet. Je salue également les frères et sœurs qui nous suivent à partir de l'internet. Nabo niko na balamukia mungina ya Yesu Kristo. Et aussi je les salue au nom de Jésus-Christ. Tuko tunapikia Mungu wetu asante. Nous remercions notre Dieu. Movila anaitikia tena siku ya leo ipate kuyaka. Parce qu'il a accepté encore qu'on puisse avoir le jour d'aujourd'hui. Kulala na kulamuka aina zoezo. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Kuona mchana ni neema. Voir une journée, c'est une grâce. Maisha mwanadamu iko na surprise ya mingi sana. La vie de l'homme a beaucoup de surprises. Kama Mungu anakukaburia siku, si Dieu te donne un jour, mushukuru. Rends-lui la grâce. Mungu apate kumibariki. Que Dieu vous bénisse. Bila siku kawia tuko na shibama juu kusoma neno ya Mungu. Sans tarder, nous allons mettre debout pour lire la parole. Tuko na beba andiko yetu tulibeba jana Isaïe chapitre yake 35. Nous prenons notre écriture Isaïe sura yake 35. Tuko naanzia mu verset yake ya 8. Nous commençons mu mstari yake ya 8. Kisha tutashuka kule chini. Et puis nous allons descendre là en bas. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Patakuya pale njenye kupasuriwa njia moya bataita njia takatifu. Ni l'empire ni passera. Hakuna mtu abuchafu atapita mule. Elle sera pour eux seuls. Itakuwa ni abopeki. Ceux qui la suivront, même un insensé, ne pourront s'égarer. Bale batefuata ta ule mujinga chitaweza kupotea. Sur cette route point de lion. Pale pamule njia muna bansimba. Ni des bêtes féroces ne les prendra. Nil ne les rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Maumivu na malkilio itakimbia mbali. Tombe Mungu shibote kilo. Prions tous Dieu. Mungu wetu na baba yetu. Notre Dieu et notre Père. Tuko na kupikia asante mwakati ya mangaribi. Nous te disons merci cet après-midi. Asante muvilo richikia siku ya leo ipate kuya. Merci car tu as accepté que ce jour soit là. Imeandikwa muneno yako kusema. Il est écrit dans ta parole en disant. Kama bantu mbili au tatu wanakusanyika mjina yako. Si deux ou trois sont réunis en ton nom. Oye Mungu uko katikati yao. Toi le Dieu tu es au milieu d'eux. Tuko ba mingi kupita bawili na batatu. Nous sommes nombreux plus que deux ou trois. Tunaamini kusema uko katikati yetu. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Tuko napenda Seigneur. Nous aimons Seigneur. Kisha siku kusanyika mwinamna. Après nous être réunis en ce moment. Oui Mungu pate kusungumuza na mioyo yetu. Que toi le Dieu tu puisses parler à nos cœurs. Parce que neno moya ya kutokea kwako. Parce qu'une seule parole qui viendra de toi. Iko ya mafaa kupita ya mhubiri. Est très importante que la seule du prédicateur. Utusaidie Seigneur. Aide-nous Bwana. Atukuye paifuashi kupitisha wakati kule. Nous ne sommes pas venus ici pour perdre le temps. Tunakuya parce que tuko na amu na maneno yako. Nous venons parce que nous avons soif de ta parole. Ufanye Seigneur Jésus-Christ juu ya bujima bwetu. Fais-le pour notre vie. Tuko napenda pale tutatoka mwichumba. Nous aimons quand nous trono de ce lieu. Tuseme ilikuwa kwetu mzuri kwa nyumba yako. Et nous disions que c'était pour nous agréable de vivre dans ta maison. Guéris les malades au milieu de nous. Wokole benye kupotea. Sauve ceux qui sont perdus. Ulete majibu mu majama. Donne la réponse dans nos maisons. Yote ifanike Seigneur Dieu utukufu ya jina yako. Que tout se fasse pour la gloire de ton nom. Neno tunasoma Seigneur. La parole que nous venons de lire. Tunalika roho yako. Nous invitons ton esprit. Ipate kuya katikati yetu. Il descend au milieu de nous. Kumwanzo na kumwisho wewe uvume. Du début jusqu'à la fin sois honoré. Yote Dieu utukufu ya jina yako. Tout pour la gloire de ton nom. Mungu Yesu Kristo na kulomba hivi. En nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Nous continuons en disant un peu encore. Dans ce sujet que nous avons débuté depuis hier. Njia ile ambayo Mungu alipasula juu yetu. La voie que Dieu a frayée pour nous. Tulianza kusema tangia jana kusema. Nous avons commencé à dire depuis hier en disant. Mukila nyakati banadamu banekalaka pa dunia. Dans tous les temps où les gens restent sur cette terre. Mungu anekalaka na yake njia anapasuriaka bantu juu ya bantu wapate kupona. Dieu a toujours une voie qu'il fraye aux gens afin que les gens soient sauvés. Na bote banekalaka mukupenda kupona mukila nyakati. Et tous ceux qui aiment être sauvés dans tous les temps. Banapashwa kuichikia na uhuru yote. Ils doivent accepter avec toute liberté kuingia munjia ya Mungu ili wapate kupona. D'entrer dans la voie de Dieu pour qu'il soit sauvé. Mais kama unaangalia mawakati ya mingi. Mais quand vous regardez dans tous les beaucoup de temps, utaona kusema bale banaichikiaka kubeba njia ya Mungu banikalaka kiloko. Vous allez voir que ceux qui acceptent de prendre la voie de Dieu sont très peu nombreux. Bale banachikiaka njia ya Mungu banekalaki loko sana. Ceux qui acceptent la voix de Dieu sont trop peu nombreux. Bantu banapendaka. Les gens aiment kuokolewa, être sauvés, au kupata jibu mu mambo beko nayo, pour recevoir la réponse à leur problème. Kufuatana na vile beko naona bintu. Selon la manière dont eux ils voient les choses. Na ile aiya kuyaka kamwe mapenzi ya Mungu. Et cela n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Mungu kama anapenda kuokola banadamu. Si Dieu veut sauver un homme. Anekalaka na njia ile anatayarishaka. Il a toujours une voie qu'il a toujours préparée. Tulisema mwakati ya Noé. Nous avons dit que dans le temps de Noé. Dieu a muntu kupona. Pour qu'un homme soit sauvé. Aripasha kuingia msafina. Il fallait qu'il entre dans l'arche. Ataka ma muntu kona mawazo mzuri mwile wakati. Même si un homme pouvait avoir de bonnes pensées en ce temps-là. Mawazo yake mzuri haikupasha kumsaidia. Ses bonnes pensées ne pouvaient pas l'aider. Aripasha kuichikia paka kile Mungu anasema. Il devait accepter uniquement ce que Dieu disait. Ata kama akina na kufuatana na vile yeye anapenda. Même si cela n'est pas conforme à ce que lui pensait. Mais Dieu a kupona. Mais pour qu'il soit sauvé vraiment. Unapasha kuacha biako biote. Tu dois tout abandonner ce qui t'appartient. Na kubeba paka bile Mungu anakupatia. Et de prendre uniquement ce que Dieu te donne. Kama unakatala vile. Si tu refuses cela. Hakuna kule utaenda. Il n'y a nulle part où tu allais. Na ndio vile tulisema jana. C'est ce que nous avons dit hier. Tulisema hata wakati batoto ba Israël. Nous avons dit même quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, Misri, Dieu leur a envoyé Moïse, pour les faire sortir de l'Égypte, et de les envoyer, de les amener à Kana. Et quand Dieu commence une œuvre, Akika certainement il fera sa rigueur. Ce qui amène des échecs dans la voyage de la foi chez les gens, parce que les gens aiment mélanger leur voix et la voix de Dieu. C'est cela qui ne marche pas. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte pour aller à Cana, même quand Cana était près de l'Égypte, Dieu leur a pourvu une voie par où ils devaient passer. Et la voie que Dieu avait préparée, c'était la meilleure voie. Même s'il y avait beaucoup de souffrances. Dans cette voie. Lakini ilikuwa ni njia ile Mungu alitayarisha. Mais c'était la voie que Dieu avait préparée. Na tulisema ku kanisa. Et nous avons dit à l'église. Kama Israël. Si Israël. Bagi barifanyaka nkosa. Ils avaient commis l'erreur. Ya kukatala mapenzi ya Mungu. De refuser la volonté de Dieu. Na kufuata ile njia kukatirisha. Afin de suivre la voie de raccourci. Barifashaka bote kufwa. Ils devaient tous mourir. Na kuna ta moya alipashaka kuingia mukana. Il n'y aurait aucun qui devait entrer à Kana. Maisha banadamu. Parce que dans la vie des humains. Bantu banapendaka manjia ya kukatirisha sana. Les gens aiment les raccourcis. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Ndio pale kunaona leo kristianisme na kuya bujito. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le christianisme est devenu pesant. Bantu wanapenda kuzalika mara ya pili. Les gens aiment être nés de nouveau. Kufuatana na vile ya na peni. Selon leur manière de voir les choses. Leo iko monoliza mkanisa. Aujourd'hui si vous demandez à l'église. Ni banani basha kuzalika mara ya pili. Combien sont nés de nouveau? Kila mtu kuna yake nouvelle naissance acha kujikaburia. Chacun a sa nouvelle naissance qui s'est déjà donnée. Ni banani basha kupata Roho Mtakatifu. Si vous demandez qui sont nés. Kila mtu kuna yake Roho Mtakatifu anajikaburia. Chacun a son Saint-Esprit. C'est déjà donné. Mais le Dieu du ciel. Il a sa manière de voir les gens être de nouveau. Et il a une manière selon laquelle les gens sont de Saint-Esprit. Mais les gens aiment toujours les raccourcis. Et toute voie de raccourci. C'est une voie qui amène la mort. Que Dieu vous bénisse. Ils devaient seulement suivre la voie que Dieu leur avait donnée. Et nous avons dit comme c'est Dieu qui leur a fait sortir de l'Égypte, Dieu les conduisait par la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Tout enfant de Dieu véritable, celui que Dieu appelle au salut, quand il croit, la colonne de feu l'accompagne. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons dit hier que cette colonne de feu qui les accompagnait, le frère Branham dit, c'est cette colonne qui les conduisait. C'est la même colonne de feu qui gardait leur corps de tout danger. Si un homme croit, il est véritablement sauvé. Il n'y a aucun démon qui va l'ôter du monde. Il n'y en a point. Et c'est la vérité. Si tu refuses, c'est parce que tu n'es pas un croyant. Il n'y a aucune maladie. Il est qu'on a ouézo. Il y a la capacité de doter un croyant dans ce monde. Il n'y en a aucun. C'est la vérité. Bibia Kweri. Que Dieu vous bénisse. Il n'y en a aucun. Donc si un homme croit vraiment, il devient en sécurité. Toute sa vie sur cette terre certainement sur la décision de Dieu. Même quand tu commettais un accident, si Dieu n'a pas encore décidé, seulement toi tu ne mourras pas. Que Dieu vous bénisse. Donc un véritable chrétien, c'est un homme qui est en sécurité vraiment. Sommes-nous ensemble? Un véritable chrétien, mon frère. Donc, si un homme commençait le problème avec un enfant de Dieu, il s'attire le malheur. Est-ce que sommes-nous ensemble? Vous pouvez commencer le problème avec n'importe qui. Mais le grand problème qui est parmi les gens, c'est quoi? Comme nous sommes tous assis ici, beaucoup n'ont pas le discernement de découvrir que celui-ci c'est un chrétien ou celui-ci n'est pas un chrétien. Si tu commences le problème avec un enfant de Dieu, sache que tu t'attires de la malédiction. Parce que mutoto wa Mungu wote wa parce que tout véritable enfant de Dieu, celui que Dieu a appelé au salut, sa vie est accompagnée par la colonne de feu. C'est une véritable chose. Que Dieu vous bénisse. Quand il marchait, le pharaon s'est donné le luxe de dire que je vais les exterminer là-bas. Il a commis une véritable erreur. La Bible déclare toute l'armée de Pharaon était morte dans l'eau. Que Dieu vous bénisse. Et tous les enfants d'Israël sont sortis vainqueurs dans ce problème. C'est pourquoi chaque frère et chaque soeur, celui qui sait que l'ange de l'Éternel le sécurise, sa vie à lui doit être caractérisée par la crainte de l'Éternel. Je pense que c'est là où nous sommes arrêtés. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Pourquoi avoir la crainte de Dieu? Parce que Biblia connaissait moi. Parce que la Bible déclare. Malaika wa Bwana. L'ange de l'Éternel. Anafanyaka nkambi. Campe. Kubote bale beko na mwogopa. Tout autour de ceux qui les craignent. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? C'est que mutoto wa Mungu wa byakweli. C'est-à-dire un véritable enfant de Dieu. Mwenye anaokolewa. Celui qui est sauvé. Ndani ya maisha yake. Dans sa vie à lui. Anegalaka na boka mingi na Mungu. Il a beaucoup de crainte de Dieu. Tu ya nini? Pourquoi? Kuogopa wa milele. La crainte de Dieu. Ndio ukingo yetu. C'est ça même notre sécurité. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Kuogopa wa milele. Craindre l'Éternel. C'est ça la sécurité des croyants. Chaque frère et chaque sœur. Celui qui est véritablement sauvé. Dans sa vie. Il doit y avoir la crainte de l'Éternel. Et la Bible déclare dans Mésali. Chapitre 1. Sura 15. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 1er. Mesali sura ya kwanza. Verset 7. Stari ya saba. Biblia nasema hivi. Biblia, la Bible déclare. La crainte de l'Éternel. Boka kuogopa wa milele. Et le commencement de la sagesse. Jo mwanzo ya hekima. Les insensés. Bajinga. Méprisent la sagesse. Beko na beula hekima. Et l'instruction. Na madibisho. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Boka wa milele. La crainte de l'Éternel. Njo mwanzo ya hekima. C'est ça même le commencement de la sagesse. Lakini bajinga. Mais les insensés. Abaichiki yake. N'acceptent pas. Mutu kama ni mujinga. Si un homme est insensé. Asijuake kusema sécurité yake kunatokea wapi. Il ne sait pas d'où vient sa sécurité. Achiuwe. Il ne sait pas. Dieu a nini? Pourquoi? Dieu ni mujinga. Parce que c'est un insensé. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Angaria frère. Regarde mon frère. Mudunia mutuko naishi. Dans ce monde où nous vivons. Akuna bantu beko sécurisé muzuri sawa ba Kristo. Il n'y a pas des gens qui sont bien sécurisés comme des chrétiens. Ba Kristo ba bia kweli. Les véritables chrétiens. Frère. Duku. Beko na sécurité. Ils ont une sécurité. Qui ne se trouve pas dans le monde. Angaria mbele ba autorité. Regardez même nos autorités. Ba chef de l'État, le chef baria, liwali, le raisi, ikuye ba le benye kuwe élevé. Ceux qui sont élevés. Utaona kumanyumba yabo. Vous allez voir dans leur pasteur, dans leur maison. Kuko paka ba soda basha kuzunguluka mpango. Il y a des soldats qui entourent les parcelles. Mais bien que ba soda basha kuzunguluka mpango. Même les soldats entourent les parcelles. Mais kama malaria inatafuta kuya kumubamba le chef. Mais quand la malaria vient. Malaria iko tunapita hakuna atakaye kuistopper. La malaria passe, il n'y a personne qui peut stopper cela. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Sake ba garde beko pale. Mais les gars sont là-bas. Ils seront surpris que le chef. On le fait sortir en ambulance. Ils sont surpris. Ils commencent à se demander qu'est-ce qui se passe. Ils savent pas que la malaria est déjà mort. Mais un véritable chrétien. Sa sécurité. Avant que la malaria n'entre. Il faut pas que Mungu aitike. Il faut que Dieu accepte cela. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en sécurité. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Comme il avait ouvert les yeux du serviteur d'Élysée. Parce que si un homme ne sait pas que sa vie est en sécurité, c'est comme ça que vous voyez un homme vivre en désordre. C'est la vérité. Ni bien quoi. Angare frère. Si le frère et chaque soeur savait que Dieu lui-même, c'est celui-là qui le garde, à ta ville qui ne voit pas avec les yeux, mais autour de lui il y a Dieu, on devait avoir beaucoup de difficultés pour pécher. Que Dieu vous bénisse. Magumu ya mingi sana. Beaucoup de difficultés. Kukosa kujua frère. Manquer de savoir cela. Kukosa kujua dada. Manquer de savoir ma soeur. Ni kitu kibaya sana. C'est une très mauvaise chose. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Kama mtu anaokolewa. Si un homme est sauvé. Maisha yake. Sa vie. Inekalaka na boka bwa Mungu. À la crainte de l'Éternel. C'est la vérité. Biblia kwe. Biblia inasema hivi. La Bible déclare ceci. Omo Malachi. Malachi. Malachi chapitre yake premier. Malachi sura ya kwanza. Bible nasema hivi. La Bible dit ceci. Verset 6. Un fils honore son père. Mwana eko na heshimia baba yake. Un serviteur son maître. Na mtumishi wake eko na heshimia chef yake. Si je suis père. Kama niko baba. Est-ce que tu comprends moi? Somno ensemble. Où est l'honneur qui m'est dû? Heshima ile ni stahili iko wapi? Si je suis maître. Kama niko chef mwalimu. Où est la crainte qu'on a de moi? Boka bule beko na bo minami. Buko wapi? Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Kama mi Mungu niko baba yenu. Si moi Dieu, je suis votre père. Mukusema kwingine. Dans d'autres façons de parler. Kama nduku au dada. Si le frère ou la sœur. Anaisha kuzarika mara ya pili. Il est déjà né de nouveau. Maintenant boka bwa Mungu buko wapi? Où est la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Kama Mungu ni baba yako. Si Dieu est ton père. Mais maisha yako inapasha kuonesha boka kwa Mungu. Ta vie doit démontrer la crainte de l'Éternel. Kuzarika kwa mara ya pili frère. Être né de nouveau mon frère. Aina kwa kujitungia ce sont pas des choses imaginaires. Nouvelle naissance authentique. Kuzarika kwa mara ya pili kwa kweli. Inaka mukuzala boka kwa Mungu. Produit la crainte de l'Éternel. Kila nduku na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Ularisha kufanya experience ya vya kweli. Celui qui a déjà fait onjo véritable. Ya nouvelle naissance. La, ya kuzali kwa maisha yake. Sa vie. Ile kala karakterize na boka wa milele. Et produit la crainte de l'Éternel. Ni mambo ya vya kweli. C'est une chose véritable. Kama Mungu ni baba yako. Si Dieu est ton père. Maisha yako. Ta vie. Mutalamuka boka wa kumwogo. Il y aura la crainte de l'Éternel. Na kila nduku anapasha kujua vile. Et chaque frère doit savoir. Leo kama bantu beko naishi vile banapenda. Aujourd'hui si les gens vivent comme ils veulent. Banasema vile banapenda. Ils parlent comme ils veulent. Banenda mu mamilia ile banapenda. Ils vont dans des endroits qui ne sont pas kuheshimia Mungu. Des endroits qui n'honorent pas Dieu. Ni kukosa nouvelle naissance. C'est par manque de la nouvelle naissance. Vous allez quoi mal à pied. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Kama mtu anazalika mara ya pili. Un homme est né de nouveau. Kuko matabia inazalika kama ule mtu. Il y a des habitudes qui naissent dans cet homme. Qui sont différentes de la nature de la naissance. Kama mtu anazalika mara ya pili. Un homme est né de nouveau. Leo bantu abana tena na boka na Mungu. Aujourd'hui les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ni kukosa kuzalika mara ya pili. C'est tout simplement par manque de la nouvelle naissance. C'est pourquoi muinjia frère. Je commande dans cette voie mon frère. Muinjia dada. Dans cette voie ma sœur. Amuweze kuingia mtu. Il n'y a personne qui peut y entrer. Kama shazalika mara ya pili. S'il n'est pas né de nouveau. Apana. Non. Na juya we kuya na hakikisho. Et pour avoir la certitude. Ya kusema uko né de nouveau. Tu es né de nouveau ma mère. Maisha yako. Ta vie à toi. Inapasa kujulikana. Doit être na boka bwa wa milele. Doit produire la crainte de l'Éternel. Toko pamoja. Sommes-nous ensemble. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Boka bwa wa milele. La crainte de l'Éternel. Aina kusema. Ce n'est pas dire. Unaanza kutembea mbalabala. Tu commences à marcher dans la, sur la route. Unatembea hivi. Tu marches à petits pas, lentement. Non, non. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Frère Branham qu'on explique mon message. Le frère Branham explique dans ce message. Le respect. Eshima. Frère Branham on a semé. Le frère Branham dit ceci. On a semé. Il dit ceci. Le respect, paragraphe y a que. Ni page 9 paragraphe 48. Eshima page 9 nukta. Minanzia yulu kiloko. Je commence un peu en haut. 47B. 47. Le frère Branham dit ceci. La crainte de Dieu. Boka bwa Mungu. Est le commencement de la sagesse. Jo mwanzo ya hekima. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Ile anakusema sema kuna mshikia boka. Mais lakini, cela signifie que il est na manisha ya kwamba, vous lui accordez le respect et la révérence. Unamkaburia heshima na unyenyekevu. Et lorsque vous respectez Dieu, na wakati unaheshimia Mungu, vous craignez Dieu. Unamuogopa Mungu. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Unaogopa ushimukose mukitu kimoya. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Unaogopa ushifanye kitu kimoya kibaya. Vous ne voudrez pas le faire. Haupende kuifanya. Maana yake ni nini? Sa signification c'est kama mtu mu maisha yake mko boka kwa Mungu. Si un homme dans sa vie a la crainte de Dieu. Anakatalaka sana. Il refuse kuvunja sauti ya Mungu. De briser la parole de Dieu. C'est celui-là qui est né de nouveau. Il refuse de briser la parole en toutes choses. C'est cet homme-là qui peut s'appeler chrétien, qui peut s'appeler enfant de Dieu. Il refuse de briser la parole de Dieu en toutes choses. Il vit comme un chrétien. Et il vit de telle manière que qu'il ne puisse pas choper Dieu. Pas seulement Dieu, qu'il ne puisse pas choper les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Un homme ne peut pas dire il craint les Dieu, mais au moment où il est en train d'achoper les frères, il est en train de scandaliser les soeurs. Tout esprit d'achoppement, c'est un esprit à couteau quoi mini. Sommes-nous ensemble? L'enfant de Dieu, quand il vit, il vit de telle manière que qu'il ne puisse pas choper quelqu'un. Parce que ces frères que vous voyez et les sœurs que vous voyez, ce sont les enfants de Dieu. Faire du mal d'eux, c'est faire du mal à Dieu. Sommes-nous ensemble? Un chrétien a beaucoup de difficultés pour faire à sa soeur de mauvaises choses, pour faire une mauvaise chose à son frère, parce qu'il sait que en agissant ainsi, il y a des répercussions, de mauvaises répercussions. Sommes-nous ensemble? Si vous avez la crainte de Dieu, où est la crainte? Où est le respect? Oh, miniconé de nouveau. Moi, je suis né de nouveau. Nouvelle naissance, frère. Vous allez comment la pire indique. Ça amène le respect. Ça donne un homme la manière de se conduire qui est différent de la manière quand il était païen. Il craint d'achoper les frères. Il craint d'achoper les sœurs. Mais il y a une nouvelle naissance, il y a l'air. Ce n'est pas cette nouvelle naissance d'aujourd'hui. Un homme qui vit m'en fou. Si un homme vivait ainsi, si une seule vie ainsi, c'est la preuve qui montre qu'il n'est pas croyant. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Dieu Ndoukou. Angaria, frère. Regarde mon frère. La Bible dit Matthieu. Matthieu. Chapitre 18. Sura 18. Bible la semaine. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 18. Sura qui a 18 Matthieu. Verset 6. Mustari a cita. Bible la semaine. Bible la semaine. Mais lakini, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, kama mmoja anakuarisha bale batoto kidogo bana mimi ndani yangu, juu bado anaona kama mambo ya Mungu sawa michezo. Parce que les gens voient les choses de Dieu comme de la blague. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, kama mmoja anakuarisha mmoja tu batoto kidogo bana mimi ndani yangu, il vaudrait mieux pour lui, il faille quoi que yeye, qu'on lui suspendit à son cou une mêle de moulin, et qu'on les jette au fond de la mer. La Bible continue. Malheur au monde à cause des scandales. Que Dieu vous bénisse. C'est comme dire quand un homme respecte Dieu, quand un homme craint Dieu, il vit avec les frères et les sœurs avec respect. Sommes-nous ensemble? Que Dieu vous bénisse. Regarde mon frère. Toi tu dis ah, cette heure elle est vaine. Dans cette église, regarde mon frère. Regarde ma soeur. Dans cette cité de Kambo, l'église de Dieu c'est celle-ci. Que Dieu vous bénisse. Dans cette église, il n'y a pas une soeur de vin. Il n'y a pas un frère de vin. La manière dont les gens se conduisent envers les frères et les soeurs, ça attire beaucoup de malheurs. Sommes-nous ensemble? Kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Kama mwenye kuokolewa. Si tu es vraiment sauvé. Heshimia kila ndugu na kila dada. Respecte chaque frère et chaque sœur. Mukumuona sawa mtoto wa Mungu. En le voyant comme un enfant de Dieu. Sommes-nous ensemble? C'est ça la voie que Dieu a frayée. Kama unakatala, si tu refuses, utaivya mambo. Tu auras des problèmes. Hamwikalake dada wa ovyo. Il n'y a pas une sœur qui une sœur ville. Il y a des sœurs qui avec qui tu respectes beaucoup. Mengine kuna balamkia na mépris. Et d'autres que tu salues avec mépris. Il y a des frères que tu salues avec beaucoup de respect. Mengine kuna balamkia na mépris. Et d'autres avec beaucoup de mépris. Que Dieu puisse t'aider. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Ile kutenda mwile namna. M'agir ainsi. Ni kukosa kuheshimia Mungu. C'est manquer de respect. Ulari mwanga damu juu ya ule frère qu'on a zarao. Celui qui a versé le sang pour le frère que tu méprises. Ari mwanga damu juu ya ule dada qu'on a zarao. Celui qui a versé le sang pour la sœur que tu méprises. Na kutenda kule natenda. Et en agissant ainsi. Kuna magumu mingi. Il y a beaucoup de problèmes. C'est la vérité. Angalia wakati ya Bible. Regarde dans le temps de la Bible. Pale Saul alikuwa mtu mbaya. Quand Saul était un méchant. Il tuait les chrétiens. Il faisait du mal aux chrétiens, il maltraitait. Il voyait que Bantu, les gens. Mais il est chez à Damas. Quand il est allé à la colonne de feu, il s'est rencontré avec le roi. La voix lui a dit: Asema Saul, Saul. Saul, Saul. Dieu a dit: pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Asema, we, ni nani? Et toi, c'est qui? Asema, ni mie, je suis Jésus. Nico Yesu. Sommes-nous ensemble? C'est-à-dire dans la vie d'un chrétien, mon frère, dans la vie d'un chrétien, mon soeur, il doit avoir la crainte de Dieu et de respecter les frères et les sœurs. Pour que tu ne puisses pas kila te tirer des problèmes. Dada, chaque frère et chaque sœur doit veiller à ce qu'il fait. C'est la vérité. Ni bien quoi. Tunapasha kukesha sana. Nous devons beaucoup veiller. Unaweza kuwajia kusema. Tu peux penser que uko natembea mukingo. Tu marches dans la sécurité. Alors que Mungu ashakuachaka. Japo Dieu t'a déjà abandonné. Unajua histoire ya Samson? Vous connaissez l'histoire de Samson? Kuvunja sauti ya Mungu frère. Briser la parole de Dieu mon frère. Ni kitu kibaya kile tukokoteaka lana. C'est une très mauvaise chose qui nous attire de la malédiction. Wakati Samson alicheza na mambo ya Mungu. Quand Samson jouait avec les choses de Dieu. Frère. Nduku. Ile nguvu Mungu alimpatia. La force que Dieu lui avait donnée. Yote ilimkimbia. Parti. Sécurité est tout frère. Notre sécurité est tout dada. C'est craindre Dieu. C'est la vérité. Ni bien quoi. Aweze qu'on attendait avant du coup bibaya. Tu ne peux pas commencer à faire du mal de Dieu. On attendait avant dada bibaya. Tu fais du mal aux sœurs. Mais où qu'on a dit d'abord mon Christ. Et tu continues à t'appeler un chrétien. Pas un frère. Non. Pas un dada. Non ma sœur. Mumaisha mutoto ya Mungu. Dans la vie d'un enfant de Dieu. Munekalaka heshima sana mukile Mungu anasema. Il y a le respect dans tout ce que Dieu a dit. Nous ne devons pas aller loin de n'importe quelle parole de Dieu. Le Dieu qui nous a appelés, c'est le Dieu qui nous a promis de nous faire arriver. Regardez maintenant l'état de l'église. Chaque frère et chaque sœur, il connaît là où Dieu l'a tiré. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes comme tu es. Dieu t'a appelé pour que tu puisses aller jusque dans le baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi tu traînais? Parce que dans ta vie, il y a des choses que tu as laissées. Ce sont ces choses qui font marcher le chrétien. Mais un homme qui vit, qui est chrétien, il vit comme il veut. Non, mon frère. Non, ma soeur. Il y a des choses dans cette marche de la foi que un enfant de Dieu ne peut pas faire. Pour que sa vie puisse avoir du succès, du progrès, tu dois veiller, toi qui as cru. Toi qui dis que tu es sauvé. Que tu veilles à tout ce que tu fais. C'est cela, tu auras l'assurance que tu es en sécurité. Josué chapitre 1. Joshua sura 15. Josué chapitre 1. Joshua sura ya kwanza. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Verset yake 3. Mstari ya 3. Ni Mungu alikuwa anasema na Josué hapa. C'est Dieu qui parlait à Josué. Troisième verset premier. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Kisha lufu ya Musa mtumishi wa Mungu milele. L'Éternel dit à Josué fils de Nun. Wa milele akamwambia Yoshua mtoto wa Nun. Serviteur de Moïse. Mtumishi wa Musa. Moïse, mon serviteur, est mort. Musa, mtumishi wangu anakufa. Maintenant, lève-toi. Sasa wewe lamuka. Passe ce Jordan. Tambuka Yordani. Toi et tous les peuples. Wewe na taifa yote. Pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Je kunya mwinchi nilikaburia watoto wa Israeli. Tout lien que foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Niko na kaburia hiyo paka nimwambia Musa. 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré. Allez perdre leur donnée. Fortifie-toi seulement. Et un bon courage. En agissant fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Qu'est-ce le livre de la loi kia sheria. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. Dieu disait à Josué, comme j'étais avec Moïse, je te fais lever. Mais le conseil que je te donne, Josué, que ce livre de la loi ne l'abandonne même pas un seul instant. Si tu veux que dans cette marche, que tu puisses avoir du succès, ne laisse pas ce livre. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a promis d'avoir du progrès dans la voie, dans la foi. La foi sans progrès, c'est la foi qui n'a jamais été dans la promesse. Est-ce que nous sommes ensemble? La foi que Dieu nous a promis doit avoir du progrès. Ce n'est pas une foi stationnaire. Non. Pourquoi la foi aujourd'hui n'a pas de progrès? Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, c'est-à-dire toute prédication que tu entends, il ne faut pas laisser aucune. Que Dieu vous bénisse. Si un frère ou une soeur veut avoir du succès, doit respecter toute la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Parce que moi, safari, tout le monde. Dans cette marche de la foi, il y a beaucoup d'épreuves. Si tu abandonnes Dieu, mon frère, si tu abandonnes Dieu, ma soeur, comment vas-tu rester dans cette bataille? Il n'y en a pas moyen. Donc si un homme brisait la parole de Dieu et il continue à penser que dans sa vie, sa vie va progresser dans la foi, et il s'est corrompu. C'est la vérité. Il sait quoi? Pour que notre voix marche convenablement, nous savons, nous sommes dans le devoir de respecter toute la parole de Dieu sans en laisser même une seule. C'est alors que notre vie va progresser. Parce que devant notre marche, il y a beaucoup d'épreuves. Et ce qui nous donne la victoire, c'est seulement le Dieu que nous respectons. Aujourd'hui, mon frère, si tu regardes l'état du christianisme, c'est compliqué. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a aucun de progrès. Les gens restent au même endroit. Les gens sont dans l'église. C'est comme s'ils sont dans une morgue. Il y a quelque chose qui cloche. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose qui cloche. Là où il y a la vie, il y a la stimulation. C'est la vérité. Mais quand tu vois ça, mon morgue. Les gens comme sont comme si ça dans le monde. Ils regardent comme si. Comme s'ils ne voient aucun problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu vous bénisse. Brisez la parole de Dieu, mon frère. C'est ça même la malédiction. Sommes-nous ensemble? C'est ça même la malédiction. Nous avons la forme extérieure de la chrétienté. Mais là-dedans, Dieu n'y est pas. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'y est pas. Samson avait ses muscles comme il a toujours. Mais il ne savait pas que la force qu'il avait venait de Dieu. Et Dieu lui avait donné des interdits. Sommes-nous ensemble? Regarde mon frère. Dieu qui nous a envoyé cette parole. Dans cette parole, il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Pour qu'il puisse garder la présence de l'Éternel. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, même ce soir, dans leur vie, il n'y a pas la présence de l'Éternel. Sommes-nous ensemble? Regarde mon frère. Il n'y a rien que avec lequel tu peux corrompre Dieu. Ce que Dieu demande à chaque frère, chaque soeur, c'est de garder seulement sa parole. Si tu brises la parole de Dieu, tu brises la parole de Dieu, ma soeur, Dieu t'abandonne. Là où tu avais brisé la parole, c'est là où Dieu t'avait abandonné. Même s'il y a 10 ans, même 20 ans, donc quand tu vis jusqu'aujourd'hui, c'est simplement par la miséricorde de Dieu. Mais Dieu t'a déjà abandonné. Parce que Dieu n'accepte jamais, ne tolère jamais le péché. Ne tolère jamais le péché. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Dieu ne peut pas combattre un pécheur. Non. Si tu vis dans le péché et tu as la vie, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu es un méchant. C'est la vérité. Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans cette marche pour réussir, gardez mes commandements. Gardez ma loi. Chaque frère et chaque soeur. Pour que Dieu soit visible dans sa vie, doit garder la loi de Dieu. Il ne doit pas vivre comme un insensé. Dieu a dit à Josué, quand ils commençaient à frapper Jéricho, Dieu leur a donné des promesses à Jéricho. Vous allez avoir Jéricho. Ce qui sort de la bouche de Dieu reste éternel. Dieu leur avait dit une chose. Parle-moi Josué chapitre 6. Seulement dans Josué chapitre 6, verset 18. Dieu a dit ceci. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Que Dieu vous bénisse. Gardez-vous et de ne pas toucher aux interdits. Car quoi? Si vous preniez de ce qui aurait dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez les troubles. Que Dieu vous bénisse. Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Si un homme touchait aux interdits, il amène premièrement que Dieu vous bénisse. Pas seulement dans sa famille. Il amène le trouble dans l'église. Il amène Mvuruko dans ses activités. Il complique même toute sa foi. Est-ce que moi, frère? Sommes-nous ensemble, frère? Chaque frère et chaque soeur doit savoir si ta foi ne prospère pas, tu as touché aux choses interdites. Que Dieu vous bénisse. Dieu a dit aux enfants d'Israël, gardez-vous de ne pas toucher aux choses interdites. Oui, frère. Quelqu'un ne peut pas se donner le luxe. Il pêche comme il veut. Kisha. Après, à un certain moment, il dit, il a le baptême du Saint-Esprit. Il est Niyako. Ça, c'est ton Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Il est nouvelle naissance, Niyako. Il est, vous allez comment la pire, c'est pour toi. Non, il est baptême du Saint-Esprit, Niyako. Et c'est baptême mais du Saint-Esprit, aïna c'est pour Bible. Toi. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit de la Bible. Aïna Bible. Ce n'est pas identifié à la Bible. Que Dieu vous bénisse. Parce que, si un homme touchait aux choses interdites, analeta trouble muimani yake. Il amène le trouble dans sa foi. Akuta kuyaka kuendelea. Il n'y aura jamais de progrès. Akuta kuyaka kukomeya. Il n'y aura jamais de maturité. Utakomeya je. Comment est-ce que tu seras mature? Mutu ashiweze kukomeya eko naishi na zambi. Quelqu'un ne peut pas grandir tout en vivant dans le péché. Kisha tena eko na komeya mbia Mungu. Et il continue à grandir dans les choses de Dieu. Ni confusion. Ça c'est la confusion. Mufuruku. Que Dieu vous bénisse. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Anapasha kuvérifier état ya imani yake. Doit vérifier l'état de sa foi. Parce que dans cette marche. Akuikala ke rakursi. Il n'y a point de kanja ku katricher. Hakanako. Il n'y en a pas. Kama unagusa pa bitu bya kulaaniwa. Si tu touches aux choses interdites. Imani yako inaingia fujo. Dans ta foi le trouble y entre. Que Dieu vous bénisse. Dans ta famille, le trouble entre. Et même dans l'église, tu fais entrer le trouble. Pourquoi? Tu as touché aux choses interdites. Que Dieu vous bénisse. Cette église, mon frère. Cette église, ma soeur. Chaque frère et chaque soeur. Doit c'est ce qu'il est interdit. C'est ce qui est interdit. Mais un homme vit comme il veut. Dans l'obscurité, il fait des dégâts. Il pense que Dieu a donné frère, de la loi. Frère, même s'il n'y a pas de frère là-bas, même s'il n'y a aucune frère ou sœur là-bas, kusema, mais sache que sheria ya Mungu inabakia. La loi de Dieu, elle demeure. Kama unagusa pa bitu bya kulaaniwa. Si tu touches aux choses interdites, ata ulikuwa pa wewe peke, même si tu étais seul, muimani yako munaingia trouble. Dans ta foi, le trouble y entre. Sommes-nous ensemble? Regarde comment la foi de beaucoup de frères et de beaucoup de sœurs est troublée. C'est la vérité. Même si vous refusez, c'est la vérité. La foi de beaucoup de frères et de beaucoup de sœurs, au moment où nous parlons, à cause des interdits. Et comme vous touchez à Dieu, à Baribamba, vous voyez la kataziwa. Angaria, frère. Regarde mon frère. Vous voyez quand quelqu'un voit, la parole de Dieu dit, brise l'amitié avec les païens. Est-ce que sommes-nous ensemble? Frère, si tu piétines cette écriture, ta foi, et même quand tu seras mort, il y aura du trouble. Est-ce que sommes-nous ensemble? Ils disent ah. Alors nous vivrons avec ya Mungu, frère. La parole de Dieu ya Mungu. Reste la parole kama de Dieu unaivunja. Si tu brises imani ya mingi, regarde la foi de beaucoup de frères et de beaucoup de sœurs. Kutuna, na position. C'est une foi Dieu sans position. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils ont goûté touché aux choses interdites. Ouais, uko toi tu es chrétien. Mais tes amis sont qui? Angaria, frère. Regarde mon frère. Barafiki ba pagano, les amis chrétiens, ce sont des choses interdites aux chrétiens. Est-ce que pas moi? Sommes-nous ensemble? Sheba aminifu, nous les chrétiens, na bijila, nous avons des interdits na d'avoir des amitiés avec les païens. Est-ce que pas moi? Sommes-nous ensemble? Maintenant, celui avec qui tu marches, c'est qui? La Bible dit, Amos chapitre 3, Amos verset 4. Est-ce que deux personnes peuvent-ils pencher ensemble sans s'accorder? C'est ce que la Bible demande. Namna. Il n'y a pas moyen. Na Biblia konasema quelque part mo 1 Corinthiens. La Bible dit que fâchement mo Corinthiens. Babaya. Les mauvaises. Bana haribishaka mwenendo ya mutu. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Sommes-nous ensemble? Maintenant wewe uvunje ile andiko. Maintenant toi brise cette écriture. Tuone kama utapataka Saint-Esprit. Si tu auras le Saint-Esprit. Sommes-nous ensemble? Toi, brise seulement cette écriture. Donne-toi le luxe. Tu feras même 60 ans dans ce message et tu ne verras jamais Dieu. Sommes-nous ensemble? Tu ne verras jamais Dieu. Pourquoi? Parce que tu as touché aux choses interdites. C'est la vérité. Nibiakwe. Regarde la foi de beaucoup de frères. La foi de beaucoup de sœurs. Ne marche pas correctement. Lui, il est croyant. Mais il tisse les amitiés avec son ami un païen. Son frère païen. Que Dieu bénisse. Et il tisse l'amitié avec son ami païen. Mais lui, il est croyant. Vous causez quoi? Vous voyez comment vous avez introduit le trouble dans votre foi? Et après un certain moment, toi la même personne, tu viens nous dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Saint-Esprit, quel Saint-Esprit? Ce que toi tu as reçu, c'est quel Saint-Esprit? Regarde mon frère. Si tu brises la parole de Dieu, tu as introduit le trouble dans ta foi. Tu introduis le trouble dans ta foi. Tu introduis le trouble dans ta famille. Tu introduis le trouble dans tes expériences. Il n'y a rien qui va encore marcher. Aujourd'hui, beaucoup de familles, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs sont troublés. Dieu a bigi là. À cause des interdits. Ils ont introduit dans leur marche. Nous, nous sommes les enfants des interdits. Que Dieu vous bénisse. Nous, nous sommes les enfants des interdits. Nous ne parlons pas comme tout le monde. Nous ne vivons pas comme tout le monde. Parce que dans cette voie de Dieu, Jésus a fait, la Bible déclare qu'il n'y a aucune chose impure. C'est-à-dire dans cette voie, la sainteté est une vie. Que Dieu vous bénisse. Dans cette voie, mon frère, dans cette voie, ma soeur, la sainteté, c'est une vie. Chaque frère et chaque soeur doit commencer à respirer la sainteté. Parce qu'il n'y a aucune chose impure qui va y entrer. Oui, frère. Tout caractère de païen ne peut pas entrer dans cette voie. Oui, frère. Dieu, toi tu es chrétien. Maintenant regarde comment tu agis. Et puis tu dis, je vais aller au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Tu vas rester ici au tabernacle. Parce que la vie de chrétien, c'est une vie qui est accompagnée avec des interdits. Nous vivons à Kambov, mais nous ne sommes pas les gens de Kambov. Regarde mon frère. Les gens de Kambov, ils ont leurs caractéristiques. Sommes-nous ensemble? Mais nous les chrétiens, nous avons notre caractéristique. Notre caractéristique, nous le tirons du ciel. Et nous recevons cette caractéristique quand nous naissons de nouveau. C'est la vérité. Tu t'appelles chrétien, mais dans ton cœur, tu hais les gens. Dans cette voie, mon frère, les frères et les sœurs qui sont haineux, ils ne peuvent pas y marcher. Que Dieu vous bénisse. Ils ne peuvent même pas y piétiner. Pourquoi? Parce que la nature que toi tu as, c'est la nature de Satan. Il n'y a pas moyen que le Satan puisse marcher dans cette vie. C'est pourquoi chaque frère et chaque soeur doit s'examiner. Angaria frère. Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Jésus-Christ est qu'on a couya. Jésus-Christ revient. Tu as qui le Dieu a wenduku. Pour que toi le frère ou la soeur puisse aller dans le monde, il faut que tu puisses être trouvé dans cette voie. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Et bien quoi? Frère Branham, on a ce même. Donc Branham dit ceci. Mon message. Dans ce message, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Il est Dieu le Mungu Aritarish. Paragraphe yake 10b. Nukta yake 10 kipande cha pili. Anasema hivi. Il dit ceci. Nous entendons beaucoup parler aujourd'hui de la seconde venue du Seigneur. Tuko nasikia sana bado unasema leo kurudia kwa pili kwa Bwana. Et effectivement. C'est ce que nous entendons tous. Dieu les chevaux de tout nashiki. La venue du Seigneur. Kuja kwa Bwana. Oh. Japo. Je crois que réellement nous sommes près de cet grand événement. Mina mina kusema tu karibu sana na ile mambo. Le plus grand événement qui soit jamais arrivé. Ile mambo ile yafikaka kamwe. Et qui puisse jamais arriver est proche. Na ile ndafika yuko karibu. Ça se manifeste maintenant. Iko naonekana sasa. C'est sa venue. Ni kurudia kwake. L'église a entendu pendant 2000 ans. Kanisa na chunga kadira maelfu mbili. Et nous voyons les écritures se dévoilent. Na tunaona miandiko inafunguka inaonesha. Jésus à l'ombre du calvaire. Yesu kule kumsalaba au kivuli ya msalaba. Juste quelques heures avant d'être crucifié, a apparaît plus de sa seconde venue que de sa crucifixion. Cela doit donc être un grand événement à venir. Et maintenant, sasa, que nous nous rassemblons, prédicateurs, hommes d'affaires chrétiens, laïcs, ceux qui s'occupent des tracts, ceux qui exercent de divers types de ministères, je pense que nous devrions faire l'inventaire pendant que nous sommes à l'ombre de la croix cet après-midi et que Dieu nous accorde dans le cœur quelque chose que nous pouvons emporter en sortant ici. Dieu vous bénisse. Benye kuona kusema Yesu yuko karibu kurudia. En voyant que Jésus est prêt de retourner. Kwanzia baubiri. En commençant par les prédicateurs. Ba frère na ba sœur. Banduku na badali. Kila mtu anapasha kujiexaminer. Chacun doit kujangarishisha. Maisha ile eko naishi. La vie qu'il mène. Eko natembelea munjia kani. Il marche dans quelle voie? Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Parce que tout qu'on a chunga kurudia kwa Yesu Christ. Nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Na akuna événement munene sawa ile. Et il n'y a aucun grand événement comme celui-là. Mumambe ko naangalia bu Christ frère. Le problème qui concerne la chrétienté. Mumambe ko naangalia bu Christ dad. Le problème qui concerne la chrétienté ma sœur. Akuna événement ya kupita kurudia kwa Yesu Christ. Il n'y a aucun grand événement qui dépasse le retour de Jésus. Maintenant we membre wa kanisa. Maintenant toi qui es membre de l'église. Ule ko nasikia prédication kila siku. Tu entends la prédication chaque jour. Uko natembelea munjia kani. Tu marches dans quelle voie? Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Biblia qu'on a sema mule mu Jean chapitre 14. La Bible déclare dans Johan 14. Jésus est monye qu'on a sema au verset 6. Jésus dit dans verset 6. Je suis le chemin. Nikonjia. La vérité. Ukweli. Et la vie. Nabujima. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Kila nduku na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Anapasha kuvérifier maisha yake. Doit vérifier sa vie. Ni munjia kani mule qu'on a tembele. C'est sur quelle voie il marche. S'il marche sur une mauvaise voie, sur la voie de la mort, c'est toi qui dois venir. Et aujourd'hui, que tu puisses arrêter. Que Dieu vous bénisse. Parce que Jésus Christ est qu'on a rudia. Parce que Jésus Christ revient. Et il ne viendra prendre aucun impur. Sommes-nous ensemble? Toute vie de sûr. Jésus-Christ ne viendra pas par nous. Nous tous nous appelons des chrétiens, des croyants. Maintenant, regarde comment toi tu vis. Est-ce que as-tu le crainte de Dieu? As-tu le respect de la parole mais de Dieu? Alors pourquoi tu t'appelles chrétien? Parce que, parce que si un homme n'a pas encore la crainte de Dieu, il n'a pas le droit de s'appeler chrétien. Non mon frère. Non ma soeur. Cette voix que Dieu, Jésus-Christ a fait pour nous, c'est une voix qui demande la chrétienté. La sainteté. Toute chose, toute sûre de ce monde, nous devons les laisser dans le monde. Et marcher dans la sainteté. La sainteté doit être notre vie. Que ça soit dans nos ménages. Même quand nous sommes là en train de regarder les écrans. Notre vie doit démontrer la chrétienté. La sainteté. Même quand tu es devant la télévision, tu es avec ton téléphone, tu regardes sur ton Android. Il faut que tu montres parce que l'œuvre de l'Éternel veille partout. Que Dieu vous bénisse. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Le Dieu du ciel, celui qui a promis, celui qui a dit, je vais frayer une voie, il ne ment pas. Que Dieu vous bénisse. Et cette voix, c'est la voix que Dieu a frayée. C'est la voix qui a été frayée à la croix du Golgotha. Et celui qui veut aller au ciel, Dieu doit passer par cette voix. C'est la voix qui demande la sainteté. Il ne faut pas vivre une mauvaise vie. Tu vis dans la société, tu vis dans l'église, tu vis dans ta famille, tu fais toutes choses, mais tu comprends. Continue à t'appeler chrétien. Apana frère. Non mon frère. Apana dad. Non ma soeur. C'est pourquoi kila ndugu na kila dad. Je commande à chaque frère, chaque soeur. I mangaribi. Ce soir. Anapata kufanya inventaire. Il doit inventorier sa vie. Maisha yako ikuje. Comment est ta vie? Est-ce que tu prêt comme Jésus Christ en accueil? Es-tu prêt si Jésus revient? Uko tayari. Es-tu prêt? Yawe kwenda mu enlèvement. Pour aller dans l'enlèvement. Est-ce que tu tayari? Est-ce que tu prêt? Wewe membre mkambovu tabernacle. Toi le membre de mkambovu tabernacle. Uko tayari tu kwenda mu enlèvement? Es-tu prêt pour aller dans l'enlèvement? Parce que maisha yako kuna chunga buchafu. Jou dans ta vie tu gardes dessus. Uko na chunga vitu vya kulaaniwa. Tu gardes des interdits. Wewe peke unabijua bila kufanya. Toi même tu sais ce que tu fais. Ce sont les gens qui ne te connaissent pas. Aux yeux des gens, tu te vois comme un chrétien. Mais ce que toi tu fais, est-ce que c'est la parole de Dieu? Ce que tu fais chez toi, c'est la parole de Dieu? Ce que tu fais dans ta chambre, est-ce que c'est la parole de Dieu? Ce que tu fais dans l'obscurité, c'est la parole de Dieu? Tout ce que ses frères et ses soeurs ne connaissent pas chez toi, c'est la parole de Dieu? Ce sont des interdits. Pourquoi tu les gardes? Pourquoi tu gardes? Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Tout ce qui n'est pas parole de Dieu, si tu gardes cela dans ta vie, c'est une chose interdite. Si tu as des péchés non confessés, ce sont des interdits. Que Dieu vous bénisse. Tu gardes le péché, ce sont des choses interdites. Tu marches avec le péché, que tu refuses de confesser. Tu marches dans la malédiction. Tu vas les garder jusqu'où? Un frère. Un dad. Bible, la Bible déclare, dans cette voie, il n'y aura rien d'impur qui va y entrer. Mais ce péché que toi tu gardes, et ce qui te fait montrer que tu es païen, comment toi chrétien tu peux garder le péché pendant un mois? Comment tu peux garder un péché pendant 6 mois? Moi, comme hauna ne de nouveau? Ah oui, vous allez comme à la pile. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Tulisema huko kwa mwanzo. Nous avons dit au début. Asema kuzalika mara ya pili. Que naître de nouveau. Kuna lamushaka boka bwa Mungu. Produit la crainte de l'Éternel, de Dieu. Frère. Duku. Mtu mwenye kwa na boka bwa Mungu. Celui qui a la crainte de Dieu. Asiweze kuitika kulala na zambi. Il ne peut pas accepter de dormir avec le péché. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Kama bina mukuya nguvu kuonana na ule mwenye kuna mambo. Si ça devient difficile de se voir avec celui là avec qui il a problème. Buchi bushingishi butaenda. Toute la nuit il n'aura pas de sommeil. Pale butakatika. Quand il fera jour. Empressement itakuwa ku roho yake. Arakisho ikenga ni ndio avec. Ende katengeneze. Il ira pour aller arranger. Njoo ile itakuwa priorité ku roho yake. C'est ce qui sera son empressement dans son cœur. Mais ma nouvelle naissance ya Laodicée. Mais c'est il vous allez comme la pire de Laodicée. Mtu ako na dhambi, eko na mambo 6 mois. Un homme qui a péché, qui a un péché pendant 6 mois. Il est confié avec les frères. Il a des conflits avec les soeurs. Ils ont fait 3 mois. Et ils viennent même écouter la parole. Aina nouvelle naissance. Ça, ce n'est pas la nouvelle. Même si tu étais baptisé, on t'a baptisé sans aucune expérience. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Si un homme est né de nouveau, ndani yake mnakuya kitu kya kimungu. En lui, il y a quelque chose de surnaturel. Ashiweze kulala na nzambi. Il ne peut pas dormir avec le péché. Hapana. Non. Hapana. Non. Il ne peut pas garder le péché pendant 6 mois. Si tu gardes le péché au cours de 2 semaines, il faut que tu recommences toutes choses. Est-ce que tu sommes-nous ensemble? Angaria, frère. Regarde mon frère. Ce que Dieu met dans un homme qui est né de nouveau, l'homme échouera de supporter. Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Il va échouer de supporter de garder le péché pendant longtemps. Est-ce que c'est comme ça que tu es? Frère Nasser Benekwa né de nouveau. Duku et Dada sont nés de nouveau. Tangé Urishimanga ka ole Dada. Depuis que tu avais médit ce frère. Depuis que tu avais médit ce frère. Au moment où nous parlons, il m'y a même dit que tu poulet. Es-tu déjà parti arranger? Païen. Es-tu déjà allé arranger? Et ce péché, tu la gardes à qui? Ce péché, tu le gardes pour qui? Angaria, frère. Regarde mon frère. Même si tu t'es repenté dans cette église, le péché, il faut aller l'arranger là où tu l'as commis. Vous voyez mon frère? Jésus est prêt de retourner. Il faut que l'église sache ce qu'ils ont pris. Et que nous sachions où est-ce que nous allons avec ce problème. Nous ne sommes pas des obiri ou des flatteries. Non. Dans cette voie, la sainteté est exigée. Sommes-nous ensemble? Oui, frère. Dieu-nous. La sainteté est une vie. Et chaque frère, chaque soeur doit s'examiner. Frère Branham dit on a pas besoin de faire un frère Branham dit on a pas besoin de chunguza. Cette parole que tu entends et la vie que toi tu mènes, est-ce que Bigo pas moi? Tu peux les comparer? Kama abina pas moi. S'ils ne sont pas les mêmes, tu es séduit. Que Dieu vous bénisse. Mon Christ, un chrétien ne garde pas le péché. Il dit que prédicat, tu traînes là-bas, il faut passer. Je ne peux pas passer. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour prier. Je ne peux pas aller loin d'ici. Tu gardes le péché, tu gardes ce péché à qui? Si tu mourais dans le sommeil, où est-ce que tu iras? Je suis un chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Saint-Esprit en cambo yako. Quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est ton grand-père? Tenda kumbingu. J'irai au ciel. On t'a dit que le ciel c'est pour vous. Le ciel c'est pour Jésus-Christ. Et ce ciel-là demande la sainteté. Chaque frère et chaque soeur. Celui qui s'appelle chrétien. Il vérifie sa vie. Tu es sur quelle voie? Il faut prier Dieu. Dieu dans cet après-midi, ce soir, qu'il puisse t'aider, que tu puisses changer de voie. Que Dieu vous bénisse. Parce que la voie sur laquelle tu marches, c'est la voie qui vient de ta pensée. Et le frère Branham dit, cette voie qui est dans la pensée de l'homme, c'est la voie de la mort. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit quelque part, telle voie paraît juste aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Sur la voie sur laquelle tu marches, demande-toi, c'est sur quelle voie? Où est-ce que tu vas se terminer avec ce problème? Si Jésus revenait aujourd'hui, où iras-tu toi? Celui que je parle, c'est toi. Si Jésus revenait ce soir, cette prédication ne concerne pas celui qui est à côté de toi. C'est ta prédication à toi. C'est toi qui s'est couvert la nouvelle naissance. Tu t'es revêtu du baptême du Saint-Esprit. Mais tu vis une vie vieille. Prions tous Dieu.